Des citations du parti et de l'État sont octroyées le 15 coron aux cadres et constructeurs qui ont accompli de grands mérites à l'achèvement des travaux de la première étape du polder de Hongguan-do. L'ordre Kim Jong-il à Chaeyong-do, la médaille d'or au marteau et faucille et l'ordre du drapeau national de première classe à Sowon-gil Kilbyong-do, la montre portant le nom du président Kim Il-sung à Soyeon-chol et à deux autres personnes, la citation du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, à 13 personnes, y compris Cho Sung-hyun et Kim Gyu-hyun, et les prix d'honneur Kim Il-sung et Kim Jong-il pour la jeunesse à Han Chol-jin, Choi Moon-hyuk et Choi Jin-chol, ainsi que l'ordre du drapeau national de première classe, les autres ordres, médailles, titres d'honneur, à de nombreux cadres et constructeurs.